Chapitre 6e. Gratitude filiale. Leur joie eut une courte durée. Le lendemain de son retour à Paris, Maurice reçut une lettre de M. de Tréfléant qui contenait les lignes suivantes. « Mon cher enfant, il y a 3 semaines que ta mère garde la chambre. Le docteur est rempli d'inquiétude. Depuis ton dernier voyage, elle a été sans cesse s'affaiblissant. Aujourd'hui, elle ne peut être sauvée que par toi. Tu sais comme elle t'aime, comme elle sera heureuse de t'avoir près d'elle. Hâte-toi d'accourir. Si, depuis 18 mois, tu as eu des excuses pour ne point venir, tu n'en peux plus avoir. Ton vieil ami, J. de Tréfléant. » Depuis longtemps, absorbé dans sa passion, s'il pensait encore à sa mère, il se hâtait aussitôt de chasser une pensée qui ne lui apportait qu'inquiétude et tourment. En lisant cette lettre, le passé lui revint, le remords l'étreignit, sa conscience se révolta. Quoiqu'il eût été convenu avec Marguerite qu'il n'irait pas chez elle, il se hâta d'y courir. C'était jour de réception. On le fit monter au premier étage par le grand escalier et on l'introduisit. À l'angle d'une haute cheminée, Marguerite, en toilette, était étendue dans un fauteuil. Lorsqu'elle entendit annoncer Maurice, malgré l'empire qu'elle avait sur elle-même, elle eut un moment de surprise. Puis elle se remit aussitôt, salua, calme et polie, et reprit tranquillement, avec la personne placée à l'autre angle du foyer, l'entretien interrompu. Ce fut alors seulement que Maurice, qui osait à peine lever les yeux, put regarder cette personne. C'était un homme de 45 ans, frais, rosé, frisé et pommadé, portant à sa boutonnière une rosette bariolée de toutes les couleurs héraldiques, parlant haut et grasseyant un peu, appelant Marguerite « chère madame », tandis qu'elle lui répondait « cher comte » et paraissant au mieux avec elle. Après quelques minutes de banale conversation, il se leva, serra la main de Marguerite, salua à peine Maurice et sortit en sautillant. La porte n'était pas refermée que Marguerite, se tournant vers son amant, « Qu'y a-t-il donc ?» Sans répondre, Maurice lui tendit la lettre de M. de Tréfléant. Elle la lut d'un seul coup d'œil. « Quand pars-tu » dit-elle plus doucement. « Ah, merci » s'écria-t-il avec effusion. « Je n'attendais pas moins de toi. » « Oui, mon ami, pars. C'est à nous de nous sacrifier. Tu m'écriras, aussi souvent que tu voudras. Et moi, je pourrai t'écrire. Je ne te laisse partir que si tu me promets de m'écrire tous les 2 jours. Tu m'adresseras tes lettres chez toi. Tu diras à ton concierge de les monter, je les prendrai sur ton bureau. En me retrouvant chez nous, je penserai à toi. Tu es un ange. Je t'aime, voilà tout. Tu ne m'oublieras point, n'est-ce pas? Si tu sentais comme je souffre, à te savoir au milieu de ces gens qui te parlent, te regardent et te serrent la main, comme ce monsieur qui vient de sortir. Rassure-toi, sauvage, ce monsieur, comme tu dis, est le comte de Lannilis, tu devrais le connaître, car sa gentilhommière est précisément aux environs de Plorac. Il se prétend amoureux de moi, et me fait la cour. Tu vois qu'il n'est pas bien dangereux. Tu me le jures? Je fais mieux. Va regarder cette jardinière dans l'embrasure de la fenêtre. Pourquoi? Pour que je puisse me trouver auprès de vous. Pauvre sot, avec une raison toute prête, si par hasard on ouvre la porte. » Il fit ce qu'on lui disait, et alors Marguerite, se levant, lui prit la tête entre les 2 mains, et elle l'embrassa sur les lèvres. « Maintenant pars, » dit-elle. 2 heures après, il montait en wagon, se demandant avec anxiété dans quel état il allait trouver sa mère, et si la lettre de M. de Tréfléant cachait une partie de la vérité, ou bien si elle ne l'exagérait pas pour rater son retour. Elle l'atténuait plutôt qu'elle ne la grossissait. Madame Berthaud était réellement fort malade, et cela depuis longtemps déjà. Ça avait été pour elle un profond chagrin que les lettres sèches que son fils lui avait écrites, lorsqu'il avait commencé à aimer. Mais quand ces lettres avaient cessé tout à fait, elle avait été frappée au cœur, et après avoir mis tant de confiance et tant d'espoir dans cet enfant, elle avait senti sa vie brisée une seconde fois, et plus irréparablement que la première. Car tout amour est égoïste, et quel que soit son dévouement, il y a toujours en lui de l'intérêt. Son intérêt et son égoïsme à elle étaient bien excusables. Elle voulait simplement se consacrer, comme autrefois, à son fils, et elle espérait qu'il la ferait venir à Paris, où ils pourraient vivre toujours ensemble. Et souvent, le soir, après une journée de fatigue, elle bâtissait tout un avenir de joie et de triomphe pour lui, pour elle, de soins et d'amour. Le silence de Maurice avait fait s'écrouler ses riants projets. elle s'était vue séparée de lui et pour toujours exilée à Plorac. Elle avait alors enduré de cruelles souffrances, mais en vraie mère, sans se plaindre, et poussant jusqu'au bout son courageux sacrifice, elle avait, à toutes les questions de Madame des Alleux, de M. Michon, de l'abbé, de M. de Tréfléant, inventé de satisfaisantes réponses, comme si la correspondance eût toujours été active et régulière. À cette contrainte de chaque instant, ses forces étaient usées, et bientôt une affection nerveuse avait inquiété tous ses amis. « Il faut écrire à Maurice de venir, » avait dit le docteur. Elle avait écrit. Maurice n'était pas venu. 2 mois après cette lettre, la bonne dame des Alleux avait sensiblement baissé, et Madame Berthaud avait eu la douleur de la voir mourir. Ça avait été nouvelle et cruelle douleur à ajouter à celle qui la minait. On avait encore écrit à Maurice. Maurice, alors en Italie, avait répondu par une longue lettre pleine d'excuses habilement groupées qui n'avait trompé que M. Michon et l'abbé Hercot. « Madame Berthaud se meurt, » dit un soir M. le Tréfléant à M. Michon. « Ne la sauverez-vous pas ?»« L'âme est plus malade que le corps. Je ne peux rien sur le physique tant que le moral ne sera pas guéri. » J'échoue sans cesse contre une disposition morale qui trouble la nutrition et qui paraît avoir sans cesse des causes nouvelles. Maintenant, l'affection se complique de symptômes alarmants. Il faudrait du repos et un calme absolu. 3 semaines s'écoulèrent, le mieux ne se prononça pas. « Il faut écrire à Maurice, » dit le docteur. « Il y a du danger. Moi, je vais faire venir de Morlaix messieurs Guillou et Bolland. À 3, nous prononcerons plus sûrement. Je crains une infiltration de la cavité de la poitrine et par suite une hydropisie. » Ce fut dans ces circonstances que M. de Tréfléant a écrivit la lettre qui décida Maurice à partir. Jusqu'à Lannion, il fit la route assez rapidement. Mais arrivé là, il dut parcourir à pied la distance qui le séparait de Plorac. Il marchait à grands pas, et son esprit inquiet le devançait près de sa mère. Il cherchait à prévoir comment elle allait l'accueillir. Quels seraient ses reproches? Quelles seraient les accusations de ses amis? Lui-même était le premier à s'accuser, et pensant à Marguerite, il se sentait encore plein de doutes et de tourments de ce côté. Leur brusque séparation, malgré ses douces promesses et ses caresses, avait jeté son cœur dans une tristesse défiante. Présent, il croyait pouvoir faire face à tous les périls. Absent, il avait peur, et derrière lui, comme devant lui, il n'avait qu'un effrayant incertain. Tout ce que rencontraient ses regards semblait aussi sympathiser avec ses lugubres pensées. Il faisait une journée grise et froide. La terre du chemin se levait par lourdes plaques sous le pied qui glissait. La plaine s'étalait, triste et nue. Quelques ajoncs d'un vert noirâtre apparaissaient seuls, çà et là. Au loin, de place en place, à l'horizon, montaient par-dessus les arbres d'épaisses et jaunes colonnes de fumée qui s'élevaient d'un chétif de lande ou de bouses de vaches pétries avec des feuilles et du gazon. Le vent soufflait humide, le silence était morne, et l'on entendait dans la campagne que les corbeaux qui passaient en troupe et criaient la faim. Maurice n'avait plus qu'une lieue à faire lorsqu'il croisa une voiture. Il crut reconnaître un médecin de Morlaix. Pensant qu'il venait sans doute de chez sa mère, il fit arrêter. Il ne se trompait pas. « L'état de madame votre mère est grave, » dit le médecin, répondant à ses interrogations. « Attendez-vous à la trouver changée. Votre présence produira peut-être une crise, mais elle eût été encore plus décisive il y a 2 mois. Hâtez-vous, ou plutôt hâtons-nous. Je vais retourner sur mes pas. Montez près de moi. » Aux premières maisons du village, le docteur fit arrêter. « On peut entrer chez madame votre mère par le jardin, » dit-il. « Prenez par là, moi je vais annoncer votre retour. » Nous avons beaucoup à craindre d'une émotion trop vive. Maurice s'engagea dans les prairies. Elles étaient détrempées par les grandes eaux, et il avançait péniblement. Autour de lui, tout était vide, et les têtards de saules se penchaient, raides et bourgeonnants, au bord de la rivière, qui coulait rapide et bourbeuse, entraînant avec elle de longues herbes vertes, tortueuses comme des couleuvres. Un murmure vague, mêlé de cris et de hennissements, passait par-dessus les maisons. Il écouta tremblant, mais il fut bientôt rassuré. Plus forte que ce bruit confus, s'élevait une voix traînante et rythmée, c'était celle du père Gouriot, qui chantait ses chansons. On était au samedi, c'était jour de marché. Il se remit et entra. M. Michon l'attendait au bas de l'escalier. « Montons, ta mère est prévenue, sois calme, ce n'est pas ma faute si tu la trouves changée. » Elle le tint longtemps serré sur son cœur, elle embrassait son front, elle embrassait ses cheveux, Elle le regardait avec amour et l'embrassait encore. Lui aussi la regardait. Mais le docteur avait dit vrai. Elle était bien changée. Pâle, maigrie, les joues creuses, les lèvres blanches, la peau décolorée et ayant pris une teinte mate de cire, les yeux languissants et abattus dans des paupières bouffies, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle devina la douleur de Maurice, aux efforts même qu'il fit pour la cacher. « Oui, » dit-elle faiblement, « je suis malade, mais te voilà, tu vas me guérir. » Un baiser termina cette scène de reproche maternel, et Maurice serra la main de ses vieux amis. Alors seulement il aperçut, assise à l'écart, une jeune fille, au maintien modeste, aux cheveux blonds comme des épis mûrissants. « Ma petite fille Armande, » dit le docteur Michon, « mon ange gardien depuis un mois, » continua Madame Berthaud. Armande s'inclina sans lever les yeux. « Nous reviendrons ce soir, » interrompit le docteur, sortant avec M. Guillou pour laisser seuls la mère et le fils. « Mais du calme, et ne parlez pas trop. » Maurice prit place au chevet de sa mère, résolu à ne plus l'abandonner. Ils restèrent longtemps silencieux à se regarder, et tous deux firent d'attristantes observations, car il s'était fait aussi en Maurice de profonds changements. Il était jaune, fatigué, les pommettes de ses joues étaient saillantes, ses narines dilatées, ses yeux étaient brûlants dans des paupières enflammées, et ses sourcils, en se rapprochant souvent, avaient creusé sur son front des rides transversales qui s'étendaient jusqu'aux tempes. On voyait dans toute sa personne les traces de la passion, du plaisir et de la douleur. Sous les fenêtres passaient les paysans qui revenaient du marché, et la forge retentissait toujours, et toujours les métiers à tisser se balançaient en cadence. Ces bruits, les mêmes qu'autrefois, rappelèrent à Maurice les souvenirs des jours heureux, et les larmes emplirent ses yeux. « Tu vois ?» dit Madame Berthaud pour échapper à cette situation. « Plorac est toujours le même. Hors d'ici, tu trouveras peu de changement. Nos vieux amis sont parfaits pour moi, et peut-être meilleurs encore, si cela est possible. Monsieur le Tréflant a perdu son père, et il a pris chez lui son frère, Monsieur Audren, qui est resté absolument sans fortune par suite des dernières folies du vieux baron. Tu voudras bien être aimable pour lui. Il est un peu fantasque, un peu sauvage, mais plein de droiture et de dévouement. Tâche de le traiter en camarade. Ce que je te recommande surtout, c'est d'avoir pour Armande toute la reconnaissance qu'elle mérite. Depuis 6 semaines, elle a passé toutes ses journées auprès de moi, et je n'ai jamais souhaité des soins plus attentifs et plus intelligents. On voit bien que la pauvre fille a connu la souffrance. Elle était fort malheureuse à Paris, et quand sa mère est morte, il y a 2 ans, son misérable père, ne voulant plus la garder près de lui, l'a envoyée ici, toute seule, en écrivant une lettre indigne au docteur. Quand le docteur revint le soir avec Armande, il trouva Madame Berthaud les joues légèrement empourprées et les yeux brillants. « Nous aurons trop parlé, » dit-il, « et Maurice n'a pas été prudent. À l'avenir, Armande passera la journée près de notre malade, et pour la nuit on fera venir une garde. » « Si vous le voulez, » interrompit Maurice, « je serai moi-même cette garde, et je ne ferai que ce que vous ordonnerez. » Le mal avait fait de trop sérieux progrès pour qu'elle pût revenir à la santé. Chaque jour amena un nouvel affaiblissement. Cependant, il était des heures où sa force morale reprenait quelque énergie. Alors, elle voyait sa position, elle voyait la mort qui s'emparait d'elle lentement, et si le docteur arrivait dans un de ces moments, c'était avec désespoir qu'elle s'écriait « Sauvez-moi, guérissez-moi. Il va rester seul, mon bon ami seul, et il souffre. » Il était depuis 3 semaines à Plorac, et malgré les serments de Marguerite, il n'avait pas encore reçu une seule lettre. Le courrier de Lannion, c'est-à-dire de Paris, arrivait à 6 heures du matin. Dès 5 heures, Maurice descendait lui-même au bureau. Il s'asseyait, il se promenait fiévreusement, il tâchait de lire, il pensait à elle. Il se disait que bien certainement il aurait une lettre, que sans doute elle avait été retardée, égarée. Mais enfin, il l'attendait avec confiance. D'avance, il la voyait dans son enveloppe oblongue, avec son adresse fine et courue. Il respirait son parfum dont le souvenir l'enivrait, et les uns après les autres, les facteurs arrivaient en secouant leurs chapeaux de cuir bouilli et en frappant des pieds sur le trottoir. Ils s'informaient de leur directrice, et causant des nouvelles de la journée, ils se mettaient devant le feu. Leurs blouses à collet rouge fumaient sans sécher, et sur le parquet, leurs gros souliers faisaient des taches d'eau et de boue. Des grelots retentissaient dans le lointain. On entendait un bruit de ferraille sur le pavé. Les chiens aboyaient dans les cours. Une batterie de coups de fouet déchirait l'air. C'était le courrier. Maurice saisissait le paquet ficelé dans son papier jaunâtre et d'un coup de ciseau l'éventrait rapidement. Sur la table glissaient les lettres, les journaux, les imprimés. Les factures s'avançaient pour faire le tri. Lui, plus rapide, éparpillait le tout d'un seul mouvement de bras, et ses yeux cherchaient la bienheureuse enveloppe. Impassibles, tout à leur besogne, les facteurs se jetaient les lettres les uns aux autres, puis ils allaient chercher leur sac, rangé dans un coin, emportaient un charbon pour allumer leur pipe dans le corridor, et se mettaient enfin en route, chacun de son côté. Maurice restait seul, anéanti. Pourquoi ce silence? Que faisait-elle? Les angoisses de l'incertitude et de l'anxiété le prenaient à la gorge. Le soir seulement, il retrouva un peu de calme. Après avoir passé la journée entière à se tourmenter, il sentait l'espérance renaître à mesure que les heures s'écoulaient, et il attendait tout du courrier qui devait venir le matin suivant. Et, un peu plus tranquille, il reprenait sa place auprès de sa mère. Armande préparait les choses nécessaires à la nuit. Le docteur venait faire une dernière visite, donnait de nouvelles instructions, et l'on se séparait. Une lampe, la mèche à moitié baissée, éclairait la chambre, et Maurice s'asseyait dans un grand fauteuil, avec une ample provision de bois sous la main, pour alimenter le feu. Tout devenait silencieux, dans la maison et dans le village. Assoupie, Madame Berthaud sommeillait, et parfois, d'un mouvement subi et nerveux, elle agitait ses rideaux qui criaient dans l'ombre. Maurice lisait, en tournant les feuillets avec une craintive précaution. Brisé par les fatigues, par ces cruelles insomnies du jour, il s'abandonnait quelquefois à un demi-sommeil. Ses sens et son corps s'engourdissaient, mais son oreille restait toujours attentive. Alors, ramené malgré lui à l'éternel sujet de ses pensées, il revenait à Marguerite, à son silence. Tantôt il la voyait malade aussi, mourante, morte. Tantôt, au contraire, il la voyait souriante et belle, au milieu d'une fête. Il se réveillait en sursaut, honteux d'avoir pu oublier sa mère pour une autre. Tremblant, il écoutait, et il ne se rassurait qu'après avoir entendu la respiration lente et oppressée de la malade, ou alors que le souffle était trop faible, après s'être penché sur son lit, pour la voir dans cette terrible immobilité qui ressemble si effroyablement à la mort. Ses inquiétudes brûlaient son sang. Autour de lui, il ne voyait plus qu'abandon. Abandon par la mort de sa mère, abandon par l'oubli de sa maîtresse. Car il avait beau se révolter contre cette pensée, il avait beau s'exciter à la fois, il avait des heures où il la sentait vaguement perdue. Il ne savait pas comment il était trahi, mais il était certain de la trahison. Que n'eût-il point donné pour courir à Paris? L'hydropisie de poitrine avait été heureusement prévenue, mais la maladie première avait toujours été s'augmentant. Maintenant, Madame Berthaud ne pouvait plus ni se mouvoir, ni se mettre dans une position verticale sans être frappée de syncope. Un froid vif la faisait sans cesse souffrir. Elle se plaignait d'étourdissement, de vertige, et l'abattement moral était arrivé à un tel point qu'il allait parfois jusqu'à la stupeur. Il fallut, pour ne pas la fatiguer, renoncer aux soirées amicales qui tout d'abord lui avaient fait grand bien. Persuadé, comme il l'avait dit à M. de Tréfléant, que l'esprit était au moins aussi dangereusement attaqué que le corps, le docteur, aussitôt que Maurice était arrivé, avait organisé de petites réunions qui, en multipliant les soins autour d'elle, en lui faisant une atmosphère de tendresse, devaient apporter quelques distractions dans cette vie depuis longtemps si désolée. Après le dîner, les amis se réunissaient en silence. M. de Tréfléant et l'abbé jouaient à l'écarté. Auprès de la table, Armande brodait ou faisait de la tapisserie. Audrey s'asseyait près d'elle. Le docteur se plaçait au pied du lit. Et Maurice, au piano, jouait de temps en temps ces airs simples et doux des vieux maîtres qui berçaient sa mère sans la fatiguer. Dans les intervalles, on causait doucement des nouvelles de la journée, tandis qu'Audrey essayait d'entamer une conversation particulière avec Armande et d'attirer son attention. Et quand, au moment de se séparer, le docteur prenait la main de sa malade, il trouvait la pulsation artérielle un peu plus forte et moins diffuse. Le sang paraissait revenir dans ses veines superficielles et ses yeux étaient presque brillants. Mais lorsque la faiblesse, au lieu de diminuer, eut marché toujours en se développant, lorsque les vertiges furent devenus presque continuels, on dut interrompre ces réunions. Et les amis ne vinrent plus que séparément à des intervalles éloignés. Ils leur tendaient la main en souriant, et c'était tout. Maurice disait l'état de la nuit, Armande celui de la journée. comme elle ne pouvait plus se lever, lorsque se montrait un rayon de soleil, on roulait son lit jusqu'à sa fenêtre. Il restait là, une heure, à regarder les prairies reverdir. Au loin, les coteaux prenaient des tons veloutés. Les crocus et les personnages émaillaient le jardin. Et sur le chaperon du vieux mur, les ramenelles sauvages s'épanouissaient au premier souffle du printemps. Armand et Maurice, depuis qu'ils la gardaient, s'étaient toujours attachés à tenir sa chambre dans un état d'ordre et de propreté trop rare auprès des malades. Mais bientôt encore, il fallut éviter tout bruit, tout mouvement inutile. Les longues fioles et les tasses encombrèrent les tables et le marbre de la commode, tandis que la poussière s'y entassait tranquillement. Ce fut avec tristesse qu'elle vit ce désordre, car cette chambre lui était chère, et elle parlait à chaque pas de fidélité. Tout ce qui avait appartenu à M. Berthaud le père avait été mis en évidence. Son violon, ses livres, sa musique étaient religieusement exposés. À côté se montraient, non moins bien placés, des débris de joujoux, des exemples d'écriture, des dessins naïfs comme des bonshommes en pain d'épices. C'étaient des souvenirs de l'enfance de Maurice. Depuis quelques années, toutes ses joies avaient été enfermées entre ses murs. Souvent, elle était venue y pleurer son chagrin et reprendre un peu courage. Maintenant, ces objets qu'elle avait si pieusement entourés de soins et de tendresse, elle les voyait abandonnés. Son danger devint plus imminent, et des signes trop certains annoncèrent sa fin prochaine. Cependant, elle s'efforçait toujours de sourire, et voyant la douleur inquiète de ceux qui l'entouraient, elle faisait à leurs demandes les réponses les plus rassurantes. Sans se tromper elle-même, elle cherchait à les tromper jusqu'au dernier moment. Mais malgré l'aveuglement que donne l'amitié, le docteur ne put pas se faire illusion plus longtemps. Sa science était à bout, elle ne pouvait plus lutter contre la mort. Ce fut l'abbé qui se chargea de lui annoncer cette terrible condamnation. Elle reçut avec calme et voulut se confesser aussitôt. Puis, après s'être confessée, elle demanda à rester seule avec Maurice, et alors, lui faisant signe de s'asseoir près d'elle, elle le regarda longtemps avec amour, l'embrassa plusieurs fois de toute son âme de mère, puis, lui prenant la main, « Mon fils chéri, » dit-elle d'une voix lente, « toute espérance est perdue, et dans quelques jours, tu vas rester seul. Et c'est là ce qui me désespère, car tu es malheureux. T'assure, ne cherche pas à me tromper. Tu aimes, je le sais, et c'est horrible pour moi de t'abandonner quand tu aurais tant besoin de consolation. Mais je te jure, peux-tu me jurer que tu es heureux? Non, n'est-ce pas? Et pour que tu n'aies pas avoué tes souffrances, il faut que tu en rougisses. Eh bien, mon pauvre enfant, ces amours-là ne peuvent apporter que la honte et le malheur. Je ne suis pas bien expérimenté dans les choses du monde, mais une passion comme celle que tu ressens tue un homme quand elle ne le déshonore pas. Vois ce que tu es déjà devenu. Si tu as de la pitié et de la reconnaissance pour ta mère, il faut que tu lui fasses une promesse. Parle. Tu vas bientôt rester seul, accablé, désespéré. Jure-moi de te jeter dans le travail. Tôt ou tard, cette femme que tu aimes et qui ne sait pas te donner le bonheur, t'abandonnera. Il faut que tu aies un refuge. Ce n'est pas pour ta fortune que je te le demande, c'est pour ton repos. Promets-moi de reprendre la vie d'études que tu avais commandée. Il l'étreignit en pleurant. Après ce long effort, Madame Berthaud se trouva plus faible, et le soir, faisant un signe à l'abbé Hercouët, qui vint aussitôt près de son lit, elle lui parla quelques minutes à l'oreille. Il parut vouloir la rassurer, mais comme elle insistait, « Mes amis, dit-il d'une voix grave et émue, notre cher malade désirant recevoir le sacrement de l'extrême-onction, vous voudrez bien vous trouver ici demain à 9 heures pour unir vos prières aux nôtres. » Le lendemain, après sa messe, l'abbé revêtit une étoile violette par-dessus son rochet, puis, précédé du sacristain qui portait la lanterne au sacrement, d'un enfant de cœur qui tenait la croix, et encore d'un autre enfant de cœur qui agitait à de longs intervalles la lugubre sonnette, il se mit en marche, tantôt récitant à voix haute, tantôt à voix basse, le psaume Miserere mei Deus. Dans la chambre, auprès du lit de la malade, on avait dressé une table couverte d'une nappe blanche. Il y avait dessus un crucifix entre deux cierges, et de chaque côté un vase plein d'eau bénite avec les buis des rameaux, et une assiette dans laquelle on voyait 7 petites boules de coton. Le bruit de la sonnette retentit dans la rue, puis il s'approcha rapidement, et malgré sa résignation, Madame Berthaud jeta à son fils un regard triste et éloquent. La sonnette retentit de nouveau, mais cette fois dans l'escalier même. Le prêtre entra, et allant déposer sur la table le phylactère qu'il tenait suspendu à son cou et dans lequel est l'huile bénite des infirmes, il prit le rameau de buis et aspergea la malade et les fidèles. Un frisson agita tous les assistants, et Maurice ne put retenir un sanglot. Rassemblant toutes ses forces, la mourante voulut se mettre sur son séant, mais elle fut presque aussitôt obligée de se laisser tomber sur son oreiller. Armande l'y arrangea le mieux qu'elle put, en lui tenant la tête un peu haute. Cependant, la cérémonie continuait. La mourante avait reçu l'absolution, et on avait récité les litanies des saints et les sept psaumes de la pénitence. Lorsque le prêtre fit l'onction sur la bouche, elle serra instinctivement les lèvres en frémissant, et ne les rouvrit que pour baiser le crucifix qu'on lui présentait. Alors elle se souleva un peu et remercia ceux qui étaient venus, l'abbé, le docteur, M. le Tréfléant et surtout Armande, qu'elle voulut embrasser. Puis, prenant Maurice par la main, elle la tira vers elle et le tint longtemps sur son cœur. La journée s'écoula assez paisiblement, mais le soir la faiblesse augmenta. Elle n'a pas 48 heures à vivre, dit M. Michon à M. le Tréfléant. Il ne faut pas que Maurice reste seul. M. le Tréfléant s'offrit à passer la nuit et s'installa dans une des pièces du rez-de-chaussée. Maurice, comme tous les soirs, prit place auprès de sa mère. La chambre était plongée dans l'obscurité, car de peur d'une trop vive clarté, il avait mis un grand in-folio devant la veilleuse, et c'était seulement après s'être réfléchi dans les angles opposés au lit que la lumière retombait dans l'appartement. Au dehors, il faisait une de ces bourrasques si fréquentes en cette saison. Le vent soufflait avec force, fouettait la pluie contre les volets et sifflait d'une façon lugubre. Dans les intervalles de repos, on entendait le bruit de la mer poussée par la tempête. Madame Berthaud respirait péniblement et lorsqu'un courant d'air, s'engouffrant dans la cheminée, venait raviver l'activité du feu, en emplissant la chambre de lueurs rougeâtres, elle tressaillait et soupirait un peu plus fortement. Vers le milieu de la nuit, le vent s'apaisa et le calme qui se fit la rendit moins oppressée. Mais elle étouffait encore, et d'instant en instant, son souffle était plus rapide et plus court. Au matin, elle pria son fils d'ouvrir une fenêtre. L'air parut la soulager un peu, et Maurice eut une pensée d'espérance. Ses craintes perdirent de leur vivacité. Il douta des présages qui s'étaient accumulés depuis quelques jours et de la science qu'avait condamnée sa mère, tant il est difficile de croire que ceux que nous aimons peuvent mourir. Mais cette lueur ne tarda pas à s'évanouir. Au moment où l'Angélus commença à tinter, elle fit un mouvement comme pour se soulever. Ses forces faillirent, elle retomba. « Maurice, » dit-elle. Ses lèvres s'agitèrent sans former des paroles. Ses mains se crispèrent en se promenant sur les draps comme pour saisir quelque chose. Un soupir plus puissant sortit de sa poitrine, la respiration cessa. Sentant la main qu'il avait prise devenir inerte et lourde, un cri s'échappa de son cœur, et saisissant sa mère dans ses bras, il se jeta sous le lit en sanglotant. M. Michon et l'abbé arrivèrent, et l'on voulut emmener Maurice, mais ce fut en vain. « Laissons-le, » dit M. de Tréfléant. « Il la verra trop peu de temps encore. N'est-il pas naturel de rester près de ceux que nous aimons, que de les fuir aussitôt qu'ils sont morts ?»« Après ma messe, » continua l'abbé Hercotte, « je viendrai réciter les prières avec vous. » La journée fut d'une longueur éternelle, et les minutes étaient des heures. Souvent Maurice se levait, et s'approchant du lit, il restait là longtemps à regarder sa mère. Dans sa mémoire fidèle arrivaient une à une les 1000 petites circonstances de leur ancienne vie, et à chacune des preuves de tendresse qui leur revenaient, c'étaient des regrets immenses, désespérés. Pourquoi n'était-elle plus là pour qu'il pût lui dire toute sa reconnaissance? Le soir, une voiture s'arrêta à la porte et un étranger se présenta. C'était Martel, que Maurice avait appelé pour faire le portrait de la mourante quand il l'avait su condamner. « Il est trop tard !» s'écria Maurice en le voyant. Les larmes lui coupèrent la parole, mais bientôt il releva la tête et prenant Martel par la main, il l'amena devant le lit. « Peux-tu peindre la lueur des cierges ?»« Oui. Eh bien, mets-toi là. » Alors celui-ci, allant chercher une toile qu'il avait apportée et sa boîte, disposa les cierges d'un seul côté. Et inclinant le corps de la morte qui avait déjà toute la rigidité du cadavre, de façon à ce que la lumière tombât en plein sur le visage, il commença. Maurice allait fiévreusement par la chambre, saussant souvent par-dessus l'épaule de son ami, pour voir si le travail avançait, et si bientôt il retrouvait sur la toile une ressemblance qui lui montra toujours cette tête aimée que dans quelques heures on allait lui enlever pour jamais. Martel, debout, la palette à la main, peignait avec ardeur. Les cierges fumaient en jetant des rayons jaunes. La cire coulait lentement et les gouttelettes, s'ajoutant sans cesse aux gouttelettes, faisaient les taches larges et blanchâtres sur le parquet. De temps en temps, la garde ouvrait une fenêtre, emplissait la cheminée d'une grande brassée de sapin et l'air devenait un peu moins lourd. Brisé par la fatigue, Maurice s'endormit dans un fauteuil. Bientôt il se réveilla, haletant. Ses larmes, qui ne coulaient plus, le suffoquaient. L'enterrement était fixé à 10 heures. À 9h30, en bas, les invités de la cérémonie se montraient déjà sur leurs portes. La salle s'emplit peu à peu de monde. Ceux qui vinrent les derniers restèrent dans la rue. Maurice allait de groupe en groupe, donnant des poignées de main et tâchant de ne pas rester sans réponse aux banales consolations qu'il n'écoutait pas. On partit pour l'église. On monta dans le chœur et l'office commença. Près du lutrin, le cercueil était placé sur des chevalets et recouvert d'un drap noir à larmes d'argent. Immédiatement derrière, sur un grand chandelier en triangle, brûlaient 10 cierges. Après le premier nocturne, il se fit un silence et le bedeau, s'avançant gravement, en souffla 3. Après le second nocturne, il en souffla 3 autres, puis 3 autres encore. Après le dernier nocturne, un seul restait allumé. Le prêtre dit l'oraison, et alors on le souffla comme on avait soufflé tous les autres. À cette puissante évocation de la nuit éternelle, Maurice s'affaissa dans sa stalle, un nuage voilait ses yeux, il se crut mort aussi. Enfin le prêtre descendit de l'autel, et alors, suivant l'usage breton, 6 femmes, vêtues de noir, vinrent se placer autour de la bière, 3 de chaque côté. Elles la soulevèrent avec des bâtons, et l'on se mit en marche. De temps en temps, l'on s'arrêtait. Les porteuses, fatiguées, cédaient leur place à d'autres, et l'on repartait. Le clergé recommençait à psalmodier, et la croix s'inclinait aux caprices des branches qui tombaient sur le chemin. Dans les champs, les paysans quittaient leurs charrues, et venant s'agenouiller au bord du fossé, ôtaient leurs larges chapeaux, joignaient les mains et disaient une prière. La fosse était au milieu du cimetière, dans une allée de pommiers. Les chantres entonnèrent le psaume Benedictus Deus Israel. Le fossoyeur et ses aides prirent le cercueil. Le prêtre jeta le bénite, puis il tendit le goupillon à Maurice. Celui-ci s'avança, regarda le trou béant à ses pieds avec une horrible curiosité, se pencha tout entier pour mieux voir, puis il se sauva quelques pas de là. On revint lentement, seul, le clergé regagna à grands pas le village. En avant couraient les enfants de chœur, puis venaient les chantres et les sacristains, la soutane retroussée dans la ceinture, les chandeliers sous le bras, la croix sur l'épaule. Pour la première fois depuis 20 ans, l'abbé Hercoët resta en arrière, et au grand étonnement de ses paroissiens, surpris d'une telle marque d'amitié, il vint prendre le bras de Maurice et le passa sous le sien. « Allons, mon cher enfant, » lui dit-il, de la résignation. Et d'une voix douce, il se mit à vouloir le consoler. Mais peu à peu, sa parole émue céda à la force de l'habitude. Elle devint abondante et prêcheuse. L'ami ne pleurait plus, le prêtre parlait. Aux premières maisons de Plorac, le docteur, que sa longue familiarité avec la mort rendait moins sensible, arrêta M. le Tréfléant qui marchait près de lui, absorbé dans ses tristes pensées. « Interrompez donc l'abbé dans son prêche et prévenez Maurice qu'on se réunit chez moi. Je vais inviter ces braves gens à venir prendre leur part du festin d'usage. » Le cortège abandonna la grande route pour suivre le chemin du château. De longues tables avaient été préparées dans la salle et dans le vestibule. Armande, à la porte d'entrée, accueillait chacun par son nom en l'engageant à prendre une place. La vue de ces préparatifs souleva le cœur de Maurice en même temps qu'elle lui causa un désappointement, car pendant la nuit, il avait formé le projet de retourner immédiatement à Paris. Aussi, s'approchant du docteur, « Pardonnez-moi de vous abandonner, il faut que je parte. » Et comme M. Michon, surpris, voulait lui démontrer que c'était impossible, M. de Tréfléant intervint dans le débat. « N'insistez pas. dit-il, Maurice a des motifs irrésistibles. Laissez-le partir. Excusez-le auprès des invités. Pour moi, je vais le conduire jusqu'à la côte. » Les préparatifs ne furent pas longs. Les adieux se firent. Maurice embrassa M. Michon et l'abbé, donna une poignée de main à Audrenne, puis, quand il fut devant Armande, « Mademoiselle, dit-il d'une voix tremblante, je n'oublierai jamais les soins que vous avez eus pour ma mère. J'en emporte une reconnaissance éternelle. » On se remit en route. Martel, qui sentait que Maurice et M. de Tréfléant avaient besoin d'être seuls, prit bientôt les devants. Mais ce que M. de Tréfléant avait à dire était si délicat qu'il marcha longtemps en silence. Enfin, au bas de la côte de Maël, il ralentit le pas, et de cet accent profond et grave qui donnait tant de puissance à sa voix. « Tout à l'heure, pour décider ton départ, j'ai prétendu que je savais la raison qui te faisait agir. En réalité, je la savais. Je me connais par malheur assez en amour pour avoir deviné le tien. Tu es malade d'amour. Si tu n'y prends garde, cette maladie te sera bientôt mortelle. Vois ce que déjà elle a fait de toi. Depuis 2 ans, ton talent, s'il t'en reste encore, sommeille et s'éteint. Ton cœur est si complètement envahi que tu as laissé mourir, et il faut le dire, que tu as tué ta mère. » À ces doubles accusations, Maurice fit un geste pour répondre, mais M. Tréfléant continuant avec autorité, « Oui, tu es, et je ne fais que répéter ici ce que ta conscience t'a crié bien des fois. Tu as été entraîné sans réfléchir, je le veux bien. Maintenant tu vois où tu as été conduit. Avec ton tempérament, si tu ne prends pas un parti héroïque, tu es perdu. Le suicide seul te reste. Dans 1 mois, j'irai à Paris et je ne t'abandonnerai pas. Si tu la quittes, je serai près de toi pour te soutenir. Si tu persistes, j'y serai pour te le reprocher. Embrasse-moi. » Ils s'embrassèrent et M. de Tréfléant redescendit tristement à la colline. Pour Maurice, il ressentit du soulagement à cette séparation. Les dernières paroles de M. de Tréfléant l'avaient blessé. Ces paroles, les mêmes à peu de choses près que celles que sa mère lui avait dites avant de mourir, accusaient Marguerite, et si au fond de son cœur il pouvait en reconnaître la justesse, il ne les supportait qu'avec peine, avec colère, lorsqu'elles étaient directement articulées. Et puis, cet indulgent ami de ses jeunes années, aujourd'hui le reproche vivant de sa conduite, qu'elle allait disparaître au tournant de la route, était le dernier lien, la dernière attache de cœur et de raison qu'il retenait loin de Marguerite. Maintenant, il était libre. Quelques pas le séparaient encore du point où la pente allait descendre du côté de Lannion, c'est-à-dire du côté de Paris. Il les fit rapidement. Rien ne le retenait plus, ni devoir, ni mère, ni ami. L'irréparable était accompli, il était libre, il était seul au monde, il était tout entier à Marguerite. À elle désormais toute sa vie, en elle tous ses espoirs, d'elle toutes ses joies, tout son bonheur.